Dostoïevski au poteau d'exécution par André Levinson. Il pouvait être 6 heures du matin quand le prisonnier de la casemate numéro 9 se réveilla en sursaut. Il faisait presque noir dans son cachot et le froid était vif. Les nuits de décembre sont longues à Saint-Pétersbourg pour qui est martyrisé par des songes affreux et les aubes y sont navrantes. Une rumeur inaccoutumée bourdonnait à travers le sépulcral silence du ravelin Alexeïevski. Que voulait dire ce va-et-vient saccadé? Murmure, choc de crosse contre les dalles, cliquetis d'armes. Il devait se passer quelque chose. Mais déjà, des pas précipités s'approchent. La clé grince dans la serrure. Bourru, le geôlier lui touche l'épaule. Dépêchons! Sans mot dire, il lui fait revêtir ses habits civils échangés 8 mois plus tôt au greffe de la forteresse contre la capote grise du criminel d'État. Au moment où le captif arrive dans la cour d'honneur de la citadelle, le carillon de la cathédrale Pierre et Paul, blanc mausolée des tsars, se met à égrener les notes argentines, indiciblement limpides, du cantique « Seigneur, ayez pitié de nous ». Il va sonner 7 heures. Au sommet du clocher, l'aiguille de la mince flèche émerge de la brume opaque et s'illumine d'or pâle. La journée d'hiver s'annonce radieuse. Le captif respire avec délices. Durant ces longues semaines d'hypocondrie, il n'avait aperçu qu'un lambeau de ciel blafard à travers les barreaux de la fenêtre. Mais c'est à peine s'il a le temps d'entrevoir, chemin faisant, quelques-uns de ses camarades du cénacle incarcérés avec lui. On le pousse vers un des fiacres de louage qui stationne en file devant la prison. Un gendarme gigantesque monte à côté de lui, et on part au trot. « Où nous conduit-on » demande-t-il à l'homme bleu. « Il est défendu de le dire. » Il semble qu'on ait traversé la Neva, car les sabots des chevaux rendent un son mat sur le pavé de bois du pont de bateau. Puis, la voiture tressaute sur la chaussée de cailloux de la Litaneia. Sur le passage, des ombres s'agitent et l'on croit percevoir le remous d'une grande foule. Mais le froid matinal a fait geler les vitres des portières. Pour y voir, le prisonnier se met à gratter doucement de l'ongle la buée glacée. « N'en faites rien !» supplie le colosse effaré, « ou vous allez me faire fustiger !» Et la chevauchée dans l'inconnu continue. Elle paraît interminable. On arrive pourtant. Tout engourdi, il descend le marchepied de sa cellule roulante et se retrouve au milieu de ses compagnons d'infortune. Il s'élance vers eux, voit Boutachevitch Petrachevski qui crâne, Grigoriev, défait et hagard, palme, sanglé dans son uniforme d'officier de la garde, et aussi ce Pechnev, l'homme fatal, le séducteur diabolique. « Mais silence dans les rangs !» commande une voix furieuse. Machinalement, il emboîte le pas derrière Pletcheyev, le gentil poète. Quels étaient donc ces derniers vers dont une jeunesse enthousiaste s'arrachait les copies ?« En avant, sans peur ni doute !»« En avant, en marche !» cria la voix. « Au pas !» et docilement le cortège s'ébranle. La vaste place d'armes du régiment Semenovski est noire d'un peuple innombrable qui observe un lugubre silence. Petites gens, artisans, camelots, marchands barbus, moujiks en espadrilles d'écorce. Au centre de l'esplanade bordée par les casernes jaunâtres, quelques gradins de bois blanc conduisent à une plateforme entourée d'une balustrade. Des détachements de toutes les troupes de la garnison cernent sur 3 côtés cet échafaud. Les 20 conjurés le contournent, défilent devant le front de bandière. Ensuite, ils montent les gradins. On les dirait pressés d'obéir. On les range sur la plateforme, 9 à droite, 11 à gauche. Un groupe chamarré de généraux et d'aides de camp s'agite au bas de l'estrade. Soudain, l'auditeur du conseil de guerre s'avance en plastronnant et donne lecture du verdict. Et tandis qu'un clair soleil fait scintiller les jugulaires des shakos et les pointes des baïonnettes, il forme de sa voix bien timbrée des phrases arrondies dont la chute se termine invariablement par une sentence de mort. Une poignée d'hommes de peu, et pour la plupart jeunes et dépravés, avaient formé le dessein d'attenter aux droits les plus sacrés de la religion, de la loi et de la propriété. Attendu qu'ils ont été convaincus d'avoir voulu renverser les lois existantes du pays et le gouvernement constitué, a décidé de leur appliquer la peine de mort. À 9 reprises déjà, il a prononcé la formule consacrée qui retranche un homme de plus du nombre des vivants. Petrachevski, Mombelli, Grigoriev, Aksharumov. Le prisonnier écoutait dans une espèce de torpeur la macabre litanie. Pour la 10e fois, l'auditeur reprenait haleine. C'est pourquoi le conseil de guerre condamne le lieutenant du génie en retraite Dostoïevski, coupable de n'avoir pas dénoncé la propagation de la lettre du littérateur Bielenski sur la religion et le gouvernement, à la peine de mort et décide qu'il sera passé par les armes. Le prisonnier tressaillit en entendant prononcer son nom. Mais malgré tout, il doute encore de l'inconcevable, de la monstrueuse vérité. « Il ne se peut pas qu'on nous fusille », chuchote-t-il à l'oreille de son voisin Dourov. Alors, sans une parole, l'autre lui désigne des yeux un chariot couvert d'une bâche où l'on croit deviner la forme de cercueil. Cependant, l'auditeur, après avoir soigneusement plié son papier, le replace dans sa poche et s'efface devant le pope en surplis noir qui, à son tour, escalade l'échafaud et, d'une voix étranglée, marmotte un sermon sur le texte de saint Paul. La rançon du péché à la mort. On dirait qu'il tire des Écritures la confirmation de la peine prononcée. Il vante à ceux qui vont mourir les béatitudes de la vie éternelle et les exhorte à songer au salut de leurs âmes. Après quoi, il leur donne la croix à baiser. Un seul demande à se confesser. C'est un homme du peuple. Circonstance étrange, mais dont nul ne s'aperçoit à ce moment. Le prêtre ne s'est pas muni des saints sacrements. Or, il est incroyable que l'on exécute un chrétien orthodoxe sans communion. Son appel embarrassé à la contrition reste vain. Il passe comme un souffle d'orgueil sur les têtes nues. Mais la cérémonie continue à dérouler les rites sinistres des exécutions capitales. Au-dessus de la tête de chacun des 19 gentilshommes, on brise une épée en signe de leur déchéance. Puis on procède à la toilette des condamnés. On leur passe de longues houppelandes blanches en toile de sac et à capuchon, mi-soutane, mi-suaire. À 20 pas de l'estrade, 3 poteaux sont plantés dans le sol. 3 fosses nouvellement creusées s'ouvrent à quelques pas. On conduit les 3 premiers aux poteaux, on les attache, on enfonce le capuchon sur leurs yeux. Dostoïevski est le 6e, le prochain tour sera le sien. Que se passe-t-il à un pareil moment dans une âme? Jamais angoisse n'a été plus lucide que la sienne. Par un rapide calcul mental, il fit 3 parts du temps si court qu'il restait à vivre. 2 minutes sur 5 pour les adieux à ses amis, et il embrassa Pletcheyev et Dourov qui se trouvaient à ses côtés. 2 autres minutes infiniment terribles, il allait réfléchir. À quoi? Il était sur le point de mourir, à 27 ans, en pleine force. Or, il lui fallait imaginer aussi vite, aussi clairement que possible, comment cela pouvait être. Il existe encore, il vit, et dans 3 minutes, il sera quelque chose ou quelqu'un de tout autre. Quel autre? Il avait mis 2 minutes pour en décider. Mais déjà, les pénultièmes s'écoulaient. La dernière, la suprême, il la destinait à regarder autour de lui. À proximité de la place s'élevait une cathédrale. Le soleil donnait en plein sur le dôme doré. Il attacha ses yeux à cette coupole avec une fixité opiniâtre. Il ne pouvait plus les détourner de ses rayons, qui lui semblaient participer de cette nouvelle nature, de cet au-delà où, dans un instant, il se fondrait. Cette affreuse certitude, l'horreur de ce qui allait survenir, lui causait un tourment indicible. Au bord même de l'abîme sans nom, son ardente, son inépuisable puissance vitale se cabrait désespérément. « Ah, si je ne devais pas mourir, si je pouvais recommencer la vie, quel infini! J'eusse changé chaque minute en siècle, et je n'eusse rien laissé perdre. J'eusse fait le décompte de chaque minute. Je n'eusse plus rien gaspillé. 60, 80 ans, il n'eut jamais fini de vivre. Et dans quelques secondes, il devrait mourir. Ah, cette torture, cette horreur de le savoir. C'est la sueur du sang dont parle le Christ. Comment n'a-t-il pas défailli sous le fardeau surhumain? Et toujours, l'intolérable suspense se prolonge. Le clairon sonne comme enroué, saisi par le froid. Les tambours battent au champ. 3 pelotons sortent des rangs. Ils font face à chacun des poteaux. Dans le silence total, des paroles de commandement tombent. Les soldats épaulent, mettent en joue. Le cri de feu va briser le silence. Pourquoi ne tirent-ils pas? D'autres secondes passent qui semblent des heures. Avec un extraordinaire sang-froid, Petrachevski, lié au poteau, soulève son capuchon pour voir ce qui se passe. Un aide de camp agite un mouchoir, c'est un signal. Aussitôt, on sonne la retraite. Le général Rostobtsev, qui a été leur juge, annonce leur grâce aux condamnés. En son ineffable clémence, Sa Majesté l'Empereur vous fait don de la vie. Leur peine est commuée, sauf pour l'un d'eux, qui est gracié. Ce sera le bagne suivi de l'exil à perpétuité. Ainsi finit la comédie du 22 décembre. À ces comparses involontaires, on avait fait souffrir devant ces canons de fusil chargés à blanc, pire que la mort. Ils avaient accompli leur descente aux enfers. Lentement, les âmes remontent à ras de terre et se font à la lumière du nouveau jour. Pourquoi Dupri aussi atroce, aussi vaine? Et ce général Bègue, qui bafouillait en lisant l'oukase impérial, l'avait-on choisi exprès pour que ce simulacre de supplice achevât en farce risible? La nature humaine peut-elle supporter pareille épreuve sans risquer la folie? Grigoriev avait déjà donné des signes de troubles nerveux pendant sa détention. C'est un démon qu'on détacha du poteau de torture. Précipité dans les dernières ténèbres, il ne devait jamais plus retrouver le chemin du retour. Dostoïevski s'était entendu avec délice condamné à 4 années de travaux forcés. Il marchait en long et en large dans sa casemate, où on l'avait ramené et chantait sans cesse, chantait à tue-tête, ivre de la joie de vivre cette vie qu'on lui avait rendue. 20 ans plus tard, en évoquant ce souvenir, il disait encore à sa jeune femme « Je ne me souviens pas d'un autre jour aussi heureux ». C'était Dostoïevski au poteau d'exécution par André Levinson.